comment Édouard Manet a révolutionné la peinture. Édouard Manet a été le chef de file de l'avant-garde artistique dès les années 1860 et c'est autour de lui que les peintres impressionnistes se sont regroupés. Dans l'ouvrage tiré des cours du Collège de France qu'il lui a consacré, Pierre Bourdieu écrit que la révolution esthétique de ce peintre se mesure à l'indignation qu'il a provoquée en brouillant les critères qui permettaient aux amateurs d'évaluer les œuvres. Manet semble rompre en effet avec ce qu'apprenait l'ancienne pratique de l'art, la composition, la répartition des couleurs, la touche du pinceau. Cette rupture fut d'autant plus violente que Manet retourna contre l'académisme ses propres normes esthétiques. Le meilleur exemple est sans doute celui du « Déjeuner sur l'herbe », le premier tableau de Manet qui lança cette révolution. Celle-ci prit la forme d'une double transgression. La première consistait à remettre en question les frontières entre les genres. Le déjeuner sur l'herbe représente une modeste scène de genre, mais elle est inscrite dans un tableau de grand format, lesquels étaient réservés jusque-là au grand art, peinture de scènes historiques ou mythologiques. La seconde transgression concerne le traitement des personnages féminins. La femme nue au centre de ce tableau est une sorte d'attentat à la domination masculine, car elle semble se désintéresser de la compagnie des hommes qui l'entourent. Son regard aussi, entre la provocation indifférente et le mépris. Ce qui force le spectateur, ajoute Pierre Bourdieu, à adopter une position de voyeur. Il est invité par le peintre à se poser la question de son propre regard sur le tableau qu'il est en train d'admirer. Manet propose ainsi, pour la première fois, une peinture dont l'objet est la peinture. Une peinture sur la peinture. Dans le sillage de Manet, les impressionnistes ont amplifié un mouvement qui a fini par remettre en question tout l'univers de la peinture. Au-delà des tableaux eux-mêmes, ce sont les lieux d'exposition, le discours à propos de l'art et même la définition de l'artiste qui ont été bouleversés. Cette révolution esthétique a été rendue possible par les changements socioculturels qui se sont produits dans la deuxième partie du XIXe siècle. C'est l'époque où le système français de formation académique s'effondre, alors que le nombre des artistes explose. Comme cela est fréquent en histoire, c'est cette situation de crise qui a permis la réussite de l'entreprise iconoclaste des impressionnistes. Mais Bourdieu insiste beaucoup aussi sur la personnalité d'Édouard Manet. Riche, élégant, issu d'une famille proche des pouvoirs, Manet avait tous les atouts pour réussir une carrière académique. Il possédait en effet les dispositions propres à la bourgeoisie, héritées de sa scolarité et de son éducation. Mais il avait aussi intériorisé un esprit de défi qui orientait son désir de reconnaissance au-delà des frontières du goût bourgeois. Cette personnalité de conformiste rebelle, que Bourdieu attribue à ce qu'il appelle un habitus clivé, explique pourquoi Manet a passé son temps à défier les institutions officielles sans cesser de vouloir qu'elles l'accueillent.